dernier temps de notre série consacrée à l'histoire de l'Europe dans la fabrique de l'histoire. Aujourd'hui, un débat historiographique avec quatre historiennes et historiens pour parler de la construction de l'Europe et des fantasmes réciproques qu'il peut y avoir entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Pour conclure cette série, donc avec Victor Massé de l'Épinay, nous allons nous demander comment l'Est regardait l'Ouest et vice-versa. Peut-on dire s'il y a encore deux ou trois Europes? Comment prendre en compte dans l'histoire les perceptions différentes des citoyens de l'Ouest, du Centre ou de l'Est de l'Europe? Ou encore si la division de l'Europe en deux blocs après la Seconde Guerre mondiale induit encore aujourd'hui un rapport différent au passé, à la démocratie, aux droits de l'homme ou au marché? C'est ce que nous verrons donc avec Victor Massé de l'Épinay, avec nos quatre invités, Johanna Novicki, qui est professeur à Cergy-Pontoise et à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, Antoine Arjakovski, qui est directeur de recherche au Collège des Bernardins. Tous deux ont participé à un livre qui s'intitule « Histoire de la conscience européenne chez Salvator » et avec Thomas Serrier, professeur à l'Université de Lille, enseignant à l'Université Viadrina de Francfort-sur-Oder, et avec Étienne François, professeur émérite d'histoire à Paris 1, Panthéon-Sorbonne et à l'Université Libre de Berlin, ancien directeur du Centre Marc Bloch à Berlin, qui ont tous deux coordonné le livre dont on vous parle depuis le début de cette semaine, Europa, notre histoire, aux éditions Les Arènes. Mais comme tous les jeudis, vous le savez, nous commençons par notre feuilleton, la fabrique scolaire de l'histoire, et c'est Séverine Yatar qui interroge aujourd'hui un jeune élève de seconde sur son enseignement en histoire. Charlemagne, fils de Pépère le Bref, 768-814, les rois fainéants et les maires d'Austrasie. Les dates, le Saint-Empire, tout est prévu. Je parle à des gens qui font semblant de m'écouter, semblant de me regarder. Je suis là, vous me voyez? Les dates, le Saint-Empire, tout est prévu. Est-ce que vous me voyez? La fabrique de l'histoire scolaire. Vous m'écoutez, s'il vous plaît? Faut pas que ce soit un cours. L'histoire, il faut pas l'apprendre, il faut la comprendre. Je vais interroger quelqu'un sur la leçon qu'il y avait à apprendre pour aujourd'hui. L'histoire, c'est pas forcément une culture où je me sens à l'aise, mais je suis passionné par ça. Portrait de Léo, qui vient d'achever son année de seconde. J'aime beaucoup tout ce qui touche aux conflits à grande échelle, et notamment la guerre froide. Alors cette année, Léo, tu n'as pas fait la guerre froide. Non. Parce que le programme de seconde, en fait, remonte aux origines. Vous partez de l'Antiquité et vous allez presque au 19e siècle. Il y a la Révolution française aussi, normalement, dans le programme. Alors, de quoi tu te souviens, toi, Léo? Et qu'est-ce qui t'a intéressé, peut-être en plus particulièrement? Ce qui m'a le plus intéressé, c'était l'élargissement du monde. Les grandes découvertes, les expéditions, comment les Espagnols et les Portugais ont massacré les populations amérindiennes. Quelles ont été les conséquences de ces grandes découvertes, la mise en place du marché triangulaire. Est-ce que tu pourrais me dire, Léo, parce que tu as amené ton cahier là, oui. Comment ça se passe vos cours d'abord? Est-ce que c'est des cours magistraux? L'enseignant vous parle et après vous prenez des notes? Il vous dicte des résumés? Est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu le déroulé d'un cours? Donc cette année, le professeur, il raconte son histoire et nous, on devait prendre des notes au fur et à mesure. On faisait beaucoup d'études de documents. Et on essayait de faire les liens entre les questions posées par l'étude de documents au cours. Donc le professeur, à la fin, on faisait une sorte de bilan de cette étude de texte qui faisait une partie du cours. Et c'était comme ça qu'il procédait. Par exemple, l'étude de cas sur Arras dans le chapitre de la société médiévale, où on a étudié une charte de franchise, une charte signée par le roi lui-même qui donne plus de privilèges à une ville, plus d'autonomie. Et donc, on a essayé de déceler les messages, les conditions qu'il y avait dans cette charte. Et donc, ça nous a permis d'avancer dans le cours de cette manière-là. Et d'étudier la société médiévale à cette époque, le rôle de la propriété. Oui, on a surtout étudié les différentes classes sociales et le rôle de l'Église. Et justement, est-ce que votre enseignant vous parle, alors c'est dans les programmes hein, maintenant, mais justement d'histoire sociale, d'histoire de la vie quotidienne Est-ce que ça t'intéresse, toi, à l'époque médiévale en l'occurrence? Moins, je préfère étudier l'histoire à grande échelle, mais oui, on a parlé quelle était la vie d'un paysan, quelles étaient ses obligations, ses droits. Oui, on a étudié un peu le système hiérarchique de la société médiévale. Et Léo, alors pour les examens, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce qu'ils vous demandent justement des dates, de faire des dissertations ? On commence à vous demander ça, des commentaires de texte ? Notre professeur nous donnait une partie avec quelques questions, qui étaient généralement sur 5 points. Et après, c'était une grosse dissertation qui reposait sur du cours, mais il fallait lier le cours à des documents qui étaient aussi présents dans l'évaluation. Et donc le dernier que tu as fait ? Oui, le dernier que j'ai fait, c'était justement sur l'élargissement du monde. Où la question, si je m'en souviens bien, c'était à partir de ces documents, montrer en quoi la découverte du nouveau continent change la vision du monde par les Européens. Et les documents, tu te souviens enfin, oui, il y avait une carte qui montrait le trajet de Magellan et d'autres grands navigateurs. Et le deuxième document, c'était une lettre de Christophe Colomb envers le roi d'Espagne, où il décrivait ce qu'il voyait, ce qu'il a fait, des choses comme ça. En tous les cas, toi, si on te demandait de dire quels sont les personnages que tu... peut-être qui t'intéressent le plus, pas forcément qui sont les plus importants, hein, sur lesquels tu aimerais travailler, par exemple. Pour moi, ce serait les dictateurs, enfin les dirigeants d'un régime autoritaire. Enfin, je partage pas du tout leur vision du monde, mais c'est juste que je m'en souviens qu'en troisième, quand on a étudié Staline et Hitler, ça m'a intéressé. Le culte de la personnalité, la répression, tout ça. Et puis le système qui a été mis en place aussi dans ces sociétés. Surtout ça. Une fabrique de l'histoire scolaire préparée par Séverine Yattard et Séverine Cassard que vous pouvez bien entendu télécharger séparément de l'émission de ce jour pour garder avec vous l'ensemble de ce feuilleton donc consacré à l'enseignement de l'histoire tel qu'il se passe en France dans nos écoles. Bonjour Victor Massé de l'Épinay. Bonjour Emmanuel. Bonjour à vous Thomas Serrier. Bonjour. Bonjour Étienne François. Bonjour. Bonjour à vous Antoine Arjakovski. Bonjour. Et enfin bonjour Johanna Nowicki. Bonjour. Merci d'être là pour le débat conclusif de cette série consacrée à l'histoire de l'Europe, qui est bien plus intéressante, cette histoire de l'Europe, que ce qu'on en dit habituellement quand on s'approche de cette histoire, justement, avec des nouvelles notions et des nouvelles façons de voir. Ce jeune homme qui a parlé de ses enseignements d'histoire en seconde disait qu'il avait été impressionné par la question des totalitarismes, des dictatures de Staline, de Hitler, mais aussi qu'il s'intéressait beaucoup à la question de la guerre froide. Voilà donc la question posée au milieu de ce débat. Nous allons nous demander s'il y a encore deux ou trois Europes. Pourquoi trois Europes, Johanna Nowicki ? C'est vrai qu'on parle rarement des trois Europes. Or, l'excellent livre de Jenő Szücs, intitulé ainsi, insiste sur une complexité du regard et la nécessité de voir autre chose que deux blocs. Je pense qu'il a raison. Il y a au moins trois Europes. Celle de l'Ouest, celle qu'il appelle, suivant Braudel, l'Europe médiane, et l'Europe de l'Est. Aujourd'hui, on confond allègrement l'Europe médiane et l'Europe de l'Est, et on continue à parler à nouveau des pays de l'Est. Et on pourrait parler de 4, voire de 5 Europes, Étienne François, parce que là, on est dans une optique Ouest-Est, mais il y a aussi le Sud, il y a aussi le Nord, et donc il y a la Méditerranée, par exemple, qui est présente dans l'ouvrage que vous avez coordonné aux arènes Europe à notre histoire avec Thomas Serrier. Et non seulement la Méditerranée, mais il y a aussi l'ensemble du monde, puisque l'histoire de l'Europe a tellement imprégné et marqué l'ensemble du monde qu'on ne peut comprendre l'Europe qu'en intégrant aussi les regards extérieurs de toutes les régions et de tous les continents qui ont été d'une manière ou d'une autre marqués par l'Europe. Et ceci, non seulement à cause de la colonisation et de l'impérialisme européen, mais aussi parce que dans les origines même de ce qui est devenu plus tard l'Europe, on voit que les impulsions premières sont antérieures à l'Europe et extérieures à l'Europe. Pour en revenir à quelque chose d'archi banal, les deux sources de l'identité européenne, dans la mesure où on peut parler d'identité européenne, c'est d'une part l'Antiquité et d'autre part le christianisme. Mais l'Antiquité se fait dans un espace méditerranéen qui englobe tout l'espace méditerranéen, alors que dans la conception qu'on a aujourd'hui de l'Europe, il n'y a plus que la partie nord qui en fait partie. Quant au christianisme, qui est lui-même héritier du judaïsme, il vient d'une région dont on continue de dire qu'elle ne fait pas partie de l'Europe. Mmh. Or, sans ces deux-là, on ne comprend rien à l'Europe. Oui, alors, il y a aussi d'autres questions qui se posent. Et si on se recentre, Antoine Arjakovsky, sur le thème de notre débat de ce jour, à savoir, y a-t-il encore une séparation, plus de 25 ans après la chute du mur de Berlin, entre les deux Europes du centre et de l'Est, ou les trois Europes du centre, de l'Est et l'Europe de l'Ouest? C'est vrai que c'est une question qui taraude aujourd'hui les historiens, les chercheurs, de se demander pourquoi une réunion tant voulue, tant souhaitée, du moins en parole, a donné des résultats aussi étranges et autant de malentendus au minimum, Antoine Arjakovsky. C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, j'aurais tendance à nuancer, parce que finalement, on parle de la montée des populismes, en particulier en Europe de l'Est, et de la difficulté, par exemple, pour la Pologne, mais aussi pour d'autres pays, la Hongrie, à rejoindre la famille européenne. Mais je dirais qu'en France, en Angleterre, on a vu aussi cette montée des populismes. Et donc, plus qu'une une différence géographique, c'est une différence, pour moi, justement, de conscience, voire générationnel. Et donc c'est la raison pour laquelle nous, dans cette approche de l'histoire de la conscience européenne, chez Salvatore, on insiste sur la notion de conscience, parce que finalement, oui, il y a une diversité. Qu'est-ce que vous appelez la conscience européenne? Alors, parce que c'est un vieux terme qui remonte aux années 30, en l'occurrence. Mais oui, bah c'est le bouquin de Paul Hazard sur la crise de la conscience européenne. Et 1935. On a voulu l'élargir pour comprendre cette histoire de cette grande diversité dont parle Étienne François, en disant: oui, il y a une grande diversité, mais la mission de l'historien, c'est aussi de se rendre compte qu'il y a aussi une approche commune à toutes les époques. Et cette approche commune, c'est la période mythologique de la période antique. C'est la période de la chrétienté à l'époque médiévale, c'est la grande période des Lumières à l'époque moderne, et depuis 45, c'est la période de la construction politique. Et c'est ce que raconte Johanna Nowicki dans son chapitre. Cette construction politique, elle n'a pas été la même à l'Est et à l'Ouest. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'à l'Est, c'est plus compliqué, on demande plus de temps. Victor Massé de l'Épinay. Oui, Thomas Serrier, on parle de conscience européenne, qui est le titre du livre d'Antoine Arjakovsky. Vous, dans votre livre que vous avez dirigé avec Étienne François, Europa, notre histoire, vous avez mis au centre non pas la conscience, la supposée conscience unie, mais plutôt la notion de mémoire. Et là, ça se pose tout de suite plus au pluriel. Ce sont des mémoires européennes. Comment est-ce que vous jugez cette notion de conscience européenne, et pourquoi est-ce que vous avez préféré partir des mémoires? Je vois une communauté dans le point de départ et une divergence quand même assez rapide. Nous aussi, nous avons posé à nos 109 auteurs, contributeurs de l'ouvrage, la question de l'Europe au singulier. Y a-t-il une mémoire européenne? Mais évidemment, nous les avons incités à réfléchir et à se poser la question: peut-on en parler au singulier? Et évidemment, ils étaient libres de choisir eux-mêmes, selon leur objet, qui sont très divers, qui vont du gin et du coca à la notion de génocide, qui vont de phénomènes plus culturels comme les lumières à la mémoire du foot, etc. Donc on a un panel de thèmes très très ouverts, et à chacun des contributeurs à qui nous avons confié ces entrées, nous avons demandé. Nous avons posé cette question, nous leur avons demandé de se poser la question: peut-on parler au singulier ou au pluriel? Et la réponse, elle est toujours entre les deux. Ce qui est intéressant, ce qui nous a semblé intéressant comme résultat aussi de cet ouvrage, c'est qu'on voit qu'il y a plusieurs cercles de mémoire. Mm-hmm. Oui, et d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, Étienne François, ce sont souvent les autres qui désignent les Européens. Ah, oui. Et d'ailleurs, il y a un article fort intéressant d'Andreas Eckert et de Shalimi Randeria dans votre Europa, notre histoire, sur le terme de vieille Europe. Et oui. Qui est-ce qui utilise le terme de vieille Europe, qui englobe toute cette Europe qu'on dit encore divisée ou encore marquée par la division de la guerre froide? Eh bien, ce sont les Américains, et c'était Donald Rumsfeld qui parlait de la vieille Europe, en l'occurrence, pour la mettre en opposition avec l'Amérique nouvelle. C'est ça. Alors, pour nous, c'était une intuition de départ qui s'est vérifiée ensuite dans le travail avec les amis qui ont rejoint notre projet. Cette idée que il ne fallait surtout pas donner une définition a priori de ce que c'est que l'Europe. mais qu'il fallait essayer de saisir l'Europe en multipliant les regards et en demandant aux uns et aux autres qu'est-ce que ça représentait pour eux et qu'est-ce que ça a représenté pour d'autres autrefois. Parce que la pluralité, elle est, au départ, moi, il y a une phrase d'un historien allemand, d'un médiéviste allemand qui m'a beaucoup marqué, qui disait « Ce qu'il y a de spécifiquement européen en Europe, ce sont les nations ». Et donc, dès le départ, on a refusé de jouer l'un contre l'autre. On sait très bien d'expérience, tous les sociologues le disent, que le cadre premier de la construction des mémoires collectives, c'est le cadre national. Mais en même temps, aucune nation ne se définit par elle-même seule, elle se fait en relation avec les autres. Et donc c'est tout ce système d'interconnexion qui nous a fait découvrir au fond quelle est la réalité de l'Europe. Johanna Nowicki, vous insistez beaucoup dans divers ouvrages, Rêve d'Europe que vous avez coordonné avec Luciana Radut-Gaggi, c'était chez Champion, ou encore dans les numéros d'Hermès que vous coordonnez, le dernier s'appelle Les Incommunications Européennes. Sur ce malentendu, c'est-à-dire sur cette idée qu'il y aurait, non pas une Europe à deux vitesses, mais disons des visions de l'Europe qui seraient très différentes selon que l'on a eu l'expérience, par exemple, d'un côté ou de l'autre du mur de Berlin. Et cela, vous dites, c'est difficile à comprendre d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire que les reproches qui sont faits par les Kaczynski en Pologne ou par Orban à l'Europe trop multiculturelle de l'Ouest de l'Europe, par exemple, considérant qu'elle est en train de se défaire et de se délier d'une certaine façon en acceptant trop d'immigrés sur son sol, et les reproches qui sont faits par les Européens de l'Ouest à cette clôture ou fermeture sur une identité fermée de la Hongrie ou de la Pologne sont deux visions qui sont, sinon irréconciliables, en tout cas difficilement entendables d'un côté et de l'autre, Johanna. Oui, c'est vrai, j'ai participé à un autre numéro qu'on a appelé, de la revue Conférence, qu'on a appelé l'Europe inaudible. Mmh. Et je crois que le terme inaudible est propre, parce qu'effectivement, on n'entend pas forcément de la même façon les voix. Et j'introduirai un autre terme, vous parlez de la conscience, vous parlez de l'Europe et de son identité, si elle existe, il y a un autre terme qui est typiquement venu de l'autre Europe, qui est l'européanité. Mmh. Un terme difficile à prononcer en français. Comme la citadinité, comme la nationalité, comme... Et l'européanité est un terme très intéressant parce qu'il regroupe à la fois la conscience, le fait de connaître l'histoire et quelques caractéristiques. Barbara Skarga, la philosophe polonaise qui l'a très bien décrit, a dit « européen », celui qui a l'esprit critique, l'esprit de la distance et la capacité d'ironie. Et je pense que cette définition... C'est très influencé par Kundera, ça. Oui, mais elle l'a fait avant Kundera. Ouais. Donc c'est intéressant d'introduire peut-être, pour parler de ces incommunications, cette notion qui ne fonctionne pas de deux côtés. Oui, Thomas Serrier, vous qui avez longtemps travaillé, et qui travaillez encore dans une université qui est à cheval, pourrait-on dire, sur cette ancienne frontière. Complètement à cheval. Donc qui s'appelle l'Oder. Siège du côté polonais. Voilà, c'est ça, Francfort-sur-Oder, l'université dans laquelle vous avez travaillé. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit par Johanna Nowicki, c'est-à-dire cette difficulté à faire cohabiter deux histoires séparées pendant une quarantaine ou une cinquantaine d'années par des expériences de vie différentes, par des approches de vie différentes et des conceptions peut-être aussi du monde différentes. Par exemple, sur la question, c'est ce que dit Johanna Nowicki, de l'internationalisme, du nationalisme. Quand on était internationaliste prolétarien, ça n'était peut-être pas la même chose que d'être gaulliste français des années 60 ou 70. Oui, je repense aussi à ce que disait votre lycéen interviewé tout à l'heure dans la petite séquence du début. Effectivement, les consciences historiques, les expériences historiques et l'enseignement de l'histoire fonctionnent beaucoup autour de ces grands blocs, de ces figures d'identification. On a Hitler d'un côté, Staline de l'autre. Donc effectivement, qu'on ait été socialisé à l'Est et à l'Ouest, ça joue évidemment un rôle énorme dans la perception de l'histoire, dans la perception de l'autre. Hein, on peut citer, je crois que vous le citez dans votre article que j'ai lu avec beaucoup de plaisir, le malentendu qui me semble tout à fait révélateur dans la traduction du livre de de Czesław Miłosz, Rodzina Europa, qui veut dire l'Europe familière, ouais. Et qui a été traduit en français par l'autre Europe. Donc ce qui insiste sur la communauté dans l'original est traduit par un titre qui insiste sur la contradiction et la différence. J'insisterai sur l'évolution rapide. On a eu dans les années 90, dans le moment, je dirais, post 89, cet antagonisme des mémoires, alors même qu'on parlait de maison commune et qu'on se rendait compte ou qu'on invoquait la communauté d'une histoire. Et on se rendait compte tout de même de toutes ces différences qui restaient. Et ça, je pense effectivement, là aussi j'abonderai dans le sens de Joanna Nowicki, j'abonderai dans le sens du fait qu'en ce moment, il me semble, la différence reprend un petit peu de sens et d'épaisseur. Et on parle effectivement moins de trois Europes que de deux Europes. Oui, Victor Massé-Lépiné. Oui, dans les grandes entreprises éditoriales comme celles que vous avez menées, Thomas Serrier et Étienne François, ou dans celles que vous avez menées, Antoine Arjakovski, il faut faire des arbitrages. Alors, vous en avez fait, on choisit des titres, on choisit des thèmes de chapitres. Je voudrais vous interroger tous sur la place de l'événement. Non pas le choix de tel ou tel événement, mais quelle place tient l'événement historique dans la conscience européenne ou dans les mémoires européennes. Est-ce qu'un événement, c'est quelque chose d'unique et ensuite des interprétations divergent et des choses, ou d'autres choses convergent, ou est-ce qu'un événement n'est pas déjà en soi pluriel selon l'endroit duquel on le vit? Antoine, c'est une belle question que vous posez et que nous avons posée à Chantal Delsol pour s'interroger d'abord philosophiquement sur ce qu'est l'événement. Parce que le même mot d'événement se dit autrement selon qu'on est russe, anglais ou français. Pour les Russes, par exemple, sobitie, ça veut dire être avec. Alors que pour les Latins, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Quelque chose qui fait date. Bon, donc il faut réfléchir d'abord philosophiquement et puis ensuite, effectivement, il faut faire des choix. Et des choix qui, nécessairement, sont liés à une représentation d'ensemble. Et donc, effectivement, on a fait ces choix, mais on les fait simplement un mot important, en association avec de façon participative. C'est-à-dire que dans notre travail, il y a les historiens de métier qui font des choix, mais on souhaite également s'associer plus largement avec le Parlement européen à travers le site My House of European History pour que chaque citoyen. C'est quoi ce site ? Précisez-le pour les. Alors pour moi, c'est très important. Le Parlement européen a lancé cette année, au mois de mai, un site qui s'appelle Ma Maison de l'Histoire de l'Europe, où les 500 millions de citoyens européens peuvent raconter leur petite histoire liée à l'Europe et la confronter à l'histoire des historiens de métier. Et on approche de cette sorte à une histoire connectée où nos événements individuels peuvent avoir une importance essentielle. On participe à l'histoire de l'Europe et en même temps, on peut la mettre en confrontation avec celle des historiens de métier qui ont choisi que, par exemple, 89, la chute du mur, c'est nécessairement quelque chose qui nous a tous affectés. Oui, ou un autre événement qui a affecté peut-être de façon différente l'Europe dite centrale et de l'Est et l'Europe de l'Ouest, à savoir Yalta. Et vous avez consacré, Étienne François, dans ce volume que vous avez co-dirigé avec Thomas Serrier, Europe à notre histoire, aux éditions des arènes, c'est Vladimir Borodjei, voilà, qui consacre un article à la trahison de Yalta, parce qu'il se dit que, il raconte que quand Timothy Garton-Arch, grand analyste de ce qui se passe à l'est de l'Europe, se rend avant la chute du mur en Pologne, eh bien, on lui dit, tout le monde lui dit Yalta, Yalta, Yalta, il comprend pas, il croit que c'est un mot du vocabulaire polonais, et en fait, il s'aperçoit qu'en fait, c'est Yalta qui revient dans la conversation de façon permanente, alors que à l'ouest de l'Europe, on a oublié depuis longtemps Yalta, dit-il. Oui et non, parce que alors j'ai eu me rappelle avoir eu une très bonne discussion avec Vladimir sur cette question-là, puisque lui, il opposait la perception est-européenne, pour simplifier, à la non-perception ouest-européenne. Mais je dis, attention, n'exagère pas tout de même. Moi, j'ai grandi en France à l'époque où c'était De Gaulle qui était au pouvoir. Et s'il y avait bien quelque chose que De Gaulle détestait, c'était Yalta. Donc, c'est ça qui est très, très intéressant dans l'entreprise qu'on a faite et les discussions qu'on a eues en permanence. On partait souvent les uns et les autres d'opposition et on se rendait compte que ces oppositions n'étaient pas aussi fortes qu'on l'avait imaginé au départ, qu'il y avait des imbrications et des formes de différences qui crée finalement une sorte de communauté. Oui, comme l'exemple donné dans un autre article de Mike Plitt, qui a beaucoup écrit dans ce volume sur la dissidence et qui rappelle qu'en 1969, ce que beaucoup de gens de l'ouest de l'Europe ont oublié, parce qu'il était parti en 68, 1938, Danny Cohn-Bendit, lorsqu'il est déféré devant les tribunaux ouest-allemands pour trouble à l'ordre public et à qui on demande de décliner son identité, dit « Je suis Couronne Modzelewski », reprenant en cela les deux noms des deux historiens qui, en 1964, avaient été condamnés pour la lettre ouverte au Parti ouvrier polonais, ce qui prouve que malgré la séparation du mur, il y avait quand même des passages, comme d'ailleurs la question de la dissidence, l'association Jan Hus plus tard, et d'autres associations qui ont permis justement des transferts d'idées au-dessus du mur. Heureusement, la circulation des idées fonctionnait et fonctionne, mais je reviens à votre question sur les événements. Je crois que la difficulté de cette circulation des idées, qui est plus ou moins forte aujourd'hui et plus ou moins complète, c'est les non-événements. C'est-à-dire les événements dont on ne parlait pas, notamment dans les manuels scolaires, universitaires, par exemple en France, pour des raisons diverses de politique intérieure, de l'interprétation de l'histoire. Quand j'ai commencé à enseigner auprès des étudiants d'études européennes, j'ai découvert que Katyn leur disait rien. Ils ne savaient pas ce qu'était Katyn. Ou le pacte Ribbentrop-Molotov n'était pas un événement majeur. Or, quand on... Ça ne dit pas grand-chose à Poutine non plus, hein, Katyn. Exactement. Donc, il y a des événements. La définition donnée par Jocelyne Arcambourg dans un numéro que nous avons consacré aux événements de la revue Hermès, elle dit que c'est quelque chose qui change le cours de l'histoire. Donc, les mêmes choses ne changent pas le cours de l'histoire de la même façon dans différents pays. Et rassurez-vous, dans Europa, notre histoire, il y a un article consacré au pacte germano-soviétique, un tabou, par Claudia Weber. Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Une fabrique de l'histoire consacrée pour la quatrième fois cette semaine donc à l'histoire de l'Europe. Et aujourd'hui, nous débattons de savoir s'il y a encore deux ou trois Europes qui ne seraient pas totalement connectées malgré la liaison politique et économique entre tous les pays qui la composent. Donc nous venons d'écouter la suite numéro 2 en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, interprété par Rostropovitch, celui-là même qui l'a interprété au pied du mur de Berlin. C'était en 1989. Au moment de la chute de ce même mur. Victor Massel-Lépinay. Oui, avec Bach, on peut introduire peut-être une notion dans ce débat, qui est la notion de réconciliation, la notion de pardon. Je voudrais introduire, il y a deux aspects avec cette notion. D'abord avec vous, Antonin Arjakovsky, puisque cette notion de pardon est au cœur de la démarche, de la méthodologie que vous employez pour votre livre, qui est de croiser le regard. Alors vous faites ça sous l'égide de Paul Ricoeur. Croiser le regard, c'est d'abord traduire, ensuite partager les mémoires et ensuite pardonner. Mais après vous avoir entendu, je voudrais tout de suite introduire une autre idée, c'est qu'on met souvent la notion de réconciliation franco-allemande au cœur de l'Europe, au cœur de tout le processus européen. Or, peut-être que pour introduire ou pour faire place aux Européens des autres Europes, il faudrait montrer, Gianna Novicki, que le pardon, ce n'est pas seulement le pardon entre la France et l'Allemagne, mais que c'est un processus européen partagé un peu partout. Antonin Arjakovsky et Gianna Novicki ensuite. Oui, alors d'abord sur Ricoeur. Moi, j'ai été à la fois, un élève de Ricoeur, puisqu'il est venu à plusieurs reprises à Moscou quand je m'occupais du collège universitaire français. On a eu l'occasion de travailler et j'ai été marqué par son idée que pour écrire une histoire commune, il faut penser ensemble identité et altérité. Et identité et altérité se fait par la traduction, effectivement, par le croisement des regards et par le pardon. J'ai été aussi l'élève de Pierre Nora. Et j'ai vu aussi que Pierre Nora a, au bout d'un certain moment, regretté que sa vision de la mémoire, finalement, aboutisse à un éclatement. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans ce débat Ricoeur-Nora, il a fallu essayer de trouver une troisième voie. Et cette troisième voie, c'est effectivement de reconsidérer cette idée que l'historien a une mission éthique et pas simplement une mission descriptive. Alors c'est là où on peut avoir des divergences, parce que moi je tiens à ça. Je considère que l'historien, il doit effectivement expliquer que voilà ce qui s'est passé entre la France et l'Allemagne, voilà ce qui s'est passé aussi entre la Pologne et l'Ukraine, voilà ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, mais on peut essayer, en cherchant dans le passé des événements qui n'ont pas été compris de la même façon, poser des bases d'une réconciliation. Je vous remercie beaucoup de cette question, parce que un des sujets importants de discorde ou de vision différente est justement cette manière d'interpréter l'Europe toujours avec les lunettes occidentales. Or, la réconciliation et le pardon, pour prendre l'exemple de la Pologne, et qui a œuvré pour ça à partir tout de suite après la guerre, avec tous les problèmes qu'elle avait, il faut évoquer la lettre des évêques polonais aux évêques allemands, 1964. Où ils demandaient pardon, ils réclamaient le pardon et ils pardonnaient, ce qui a éveillé la réaction très violente des pouvoirs communistes en place en Pologne. Il faut évoquer Kultura, l'Institut littéraire Kultura de Maison Lafitte, avec Giedroyce, qui a forgé une théorie de réconciliation avec tous les confins de la Pologne, les pays voisins, le voisinage, la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie. Et non seulement ça a marché, mais c'est devenu la doctrine de la Pologne indépendante après la chute du mur. Et troisièmement, nous évoquons nos maîtres à penser. Pour moi, Bartoszewski, Barbara Skarga, les deux expériences majeures des camps, ces gens ont prôné pendant des années la réconciliation avec les anciens bourreaux. Et je pense que ça a créé une ambiance dans laquelle, à la fois, des sujets de l'antisémitisme, de rapport difficile à la Russie et du rapport difficile à l'Allemagne a été traité de fond en comble. Je crois que vous serez d'accord. Ça a été traité de fond en comble, mais on peut dire aussi parfois qu'il y a des retours en arrière. Malheureusement, voilà. Les vieux démons reviennent parfois. Voilà, c'est ça. Étienne François et Thomas Serrier. Alors, pour ce que disait Antoine tout à l'heure, à savoir que les historiens ont aussi dans leur activité une dimension éthique, c'est évident. Dans le gros livre qu'on a mené ensemble, d'abord la notion de réconciliation, elle est centrale, puisque celle avec qui on a vraiment très étroitement travaillé, c'est Valérie Rozou. Et qu'elle a fait un article qui s'appelle « Comment faire la paix », par exemple. Et Valérie Rozou travaille depuis des décennies sur la pratique même de la réconciliation, et non seulement en Europe, mais dans le reste du monde. Et nous sommes partis aussi de l'idée que s'il y avait bien quelque chose qui contribuait à faire émerger une sorte de conscience européenne, même éclatée, même pleine de contradictions, c'est précisément le fait que depuis la fin de la Deuxième Guerre, l'Europe vit en paix, et donc ça crée d'autres manières de se confronter les uns aux autres que la confrontation par les armes. Ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est très important. Mais en revanche, on n'a pas voulu donner une définition, si vous voulez, de ce que c'est que l'identité européenne. Ce que nous avons avant tout cherché, c'est mettre à la disposition des personnes que ça intéresse et qui se demandent ce que c'est que l'Europe, un certain nombre d'informations qui suscitent la curiosité, qui leur permettent de mieux savoir ce que c'est, pour trouver eux-mêmes leur propre réponse. Oui, Johanna Lovitsky, vous souriez parce qu'effectivement, c'est une des questions qui est centrale dans votre propre travail. Vous dites d'un côté, donc du côté du centre ou de l'est de l'Europe, on réaffirme la question de l'identité culturelle, alors qu'à l'ouest, et c'est ce que vient de dire à l'instant même Étienne François, on dit on ne veut pas s'attacher à cette question de l'identité nationale ou de l'identité culturelle, préférant le patriotisme constitutionnel de Jürgen Habermas, par exemple. Et c'est exactement une des incompréhensions majeures, il me semble, intellectuelles, entre ceux qui ont vécu le totalitarisme, les deux totalitarismes, et les occidentaux. Le patriotisme constitutionnel montre ses limites. Ceux qui l'ont défendu voient aujourd'hui... Comment on peut le qualifier, le patriotisme ? On peut le qualifier par l'attachement à la loi. Ouais. au droit et l'identité citoyenne qui est inculquée aux citoyens européens de l'Ouest. La communauté des citoyens, par exemple. Communauté des citoyennes, par Dominique Schnapper, par exemple, elle-même module aujourd'hui le propos, et je crois, moi je défends depuis longtemps l'idée que l'identité culturelle ne peut pas être marginalisée parce qu'elle reviendra au galop. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. François et Thomas Serrier. L'identité culturelle, là-dessus, on est pleinement d'accord les uns et les autres. Nous sommes attachés au fond, ce que nous avons essayé de trouver, ce sont un certain nombre d'exemples de la présence du passé dans ce qui est aujourd'hui l'Europe dans toute sa diversité. Donc ce sont toutes des réalités à connotation et à dimension culturelle. Mais en même temps, on n'a pas oublié la célèbre phrase de Umberto Eco. La langue commune de l'Europe, c'est la traduction. Donc toutes les langues européennes sont connectées les unes aux autres, mais chacune a sa propre logique. Thomas Serrier. Je crois que nous n'avons pas de problème avec la dimension éthique de notre projet et de notre interrogation. Et je crois que nous-mêmes nous mettons assez rapidement en exergue une citation de Ricoeur dans lequel on peut se reconnaître. Mais chez Ricoeur, c'est peut-être moins la notion de réconciliation que cette idée fascinante de se laisser raconter par les autres qui nous a intéressés. Or, du coup, on est parti dans notre projet de la nécessité d'écouter des voix discordantes. On sait qu'on a ces différences, on le sent même autour de cette table, ces différences, et nous voulions donc introduire une polyphonie, une pluralité de voix. Hein. Ce qui nous intéressait, c'est Subramaniam qui dit qu'il n'y a aucune valeur européenne et que, en l'occurrence, les valeurs européennes ne sauraient exister en l'absence d'Européens en tant qu'êtres humains ou en l'absence d'Europe en tant qu'espace défini. Et ces valeurs seront probablement, s'il y en a, aussi différentes, dit-il, dans un siècle que celles d'aujourd'hui le sont des idéologies raciales du 19e siècle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de permanence de valeurs européennes qui seraient les mêmes un siècle après l'autre parce que le temps a fait son œuvre. C'est ce que dit en tout cas Subramaniam dans votre livre. Oui, c'est pour ça que nous avons préféré travailler autour du concept de mémoire et pas celui de conscience, et que finalement nous avons choisi ce titre après de longues discussions beaucoup plus simples. Europa, notre histoire. Notre histoire, parce que ce qui nous intéressait, c'était pas évidemment d'affirmer une identité ou d'affirmer une définition en disant que voilà, c'est la bonne, et c'est celle que nous avons conçue dans un petit labo du CNRS ou dans un bureau de notre éditeur, mais c'est les formes d'appropriation qui peuvent être très différentes et qui peuvent aussi être, qui peuvent aussi concerner. Et que cet éclatement fait partie de la conception que l'on peut avoir de l'histoire de l'Europe. Oui, ce qui nous intéresse, c'est effectivement cette manière dont par fragment, des Européens et même des non-Européens peuvent s'identifier à un moment. Oui. Antonin Jakovski. Je voudrais défendre aussi notre approche qui n'est pas monolithique. Non, mais bien sûr. On a invité une trentaine d'historiens de 15 pays différents. Vous imaginez que vous avez des points de vue largement différents. Et lorsqu'on a fait notre colloque conclusif, Jean-Marc Ferry, qui est plutôt du côté Habermas, n'était pas franchement d'accord avec Johanna Nowitzki ou Dominique Schnapper. Donc on a eu aussi des approches différentes, mais tous nous étions d'accord sur le fait, comme le disait Ricoeur, que l'identité narrative, c'est ce qui est dynamique, c'est ce qui permet de penser ensemble en permanence le moi, le toi. Oui, mais le rejeu aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, ce à quoi on se heurte souvent, c'est, disons, un discours politique européen qui voudrait qu'il y ait des valeurs qui soient permanentes, qu'il n'y ait pas de rejeu permanent en fonction, justement, des événements, des catastrophes, etc., etc. Oui, mais bien sûr, ça, c'est dangereux. Mais ce qui est dangereux aussi, c'est l'éclatement. Et c'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas sans savoir que le président Macron, que vous avez interviewé, et du reste, j'ai bien aimé votre interview. C'est gentil. Non, mais le président Macron parle sans arrêt d'histoire en ce moment. Et pourquoi? Parce qu'il a parlé de nos livres. Voilà. Alors, il faudrait qu'il parle de nos livres, effectivement. Mais en tout cas, que ce soit à la Sorbonne ou à l'Acropole, ce qu'il dit, c'est qu'il faut quand même construire une histoire commune, une histoire culturelle. Sinon, il n'y a pas de démocratie. Sinon, notre Europe, elle s'effondre. Oui. Étienne François. Moi, ce que je dirais, c'est que nous avons une histoire commune. Nous sommes tous, où que nous habitions en Europe, les héritiers, au fond, d'une même histoire qui est faite à la fois d'évolutions structurelles, de grands événements que vous disiez tout à l'heure. Mais ces événements ont autant séparé que réuni. Thomas a écrit de superbes articles dans notre livre sur la question de frontières. Et s'il y a bien un continent et un espace dans le monde où la notion de frontière est centrale, c'est l'Europe. Alors aujourd'hui, nous nous débattons autour de cela, nous essayons de surmonter les frontières. N'empêche que nous sommes les héritiers de multiples frontières. Donc c'est comment est-ce que nous allons gérer cet héritage? C'est ça la question qui se pose à nous. Et c'est pour ça que dans notre livre, nous avons choisi d'avoir quelques études de cas des villes, surtout des villes d'Europe centrale et orientale, parce que toutes ce sont des villes plurielles, que l'on prenne Vilnius, Vilna, Vilno, ou bien que l'on prenne Prague, ou bien que, ou Wrocław, Breslau. Ou bien Breslau, ou ma femme qui est allemande est née, et maintenant c'est Wrocław. Enfin, et la manière dont les Polonais d'aujourd'hui s'approprient un passé allemand qu'ils ont longtemps refusé, ça ce sont des éléments centraux de ce qu'est l'Europe et sur lesquels on peut travailler. Article d'Agatha Zikiak dans votre livre sur la comparaison entre deux grandes villes industrielles du 19e siècle, Łódź et Manchester, donc cet article s'appelle L'enfer sur terre. Un petit mot, Joanna. Je suis absolument d'accord que toutes les voix doivent être confrontées et mélangées. Encore faudrait-il que ces voix soient audibles. J'insiste là-dessus, ouais. Parce qu'il y a des voix muettes ou des sujets dont on ne parle pas. Et je pense que le grand enjeu aujourd'hui de la narration européenne, c'est laisser parler des voix qui étaient muettes. Même si elles sont discordantes avec le projet européen. Bien entendu. Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, pas de quai et pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même, à Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen, et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence, à Göttingen, bien sûr, nous avons la Seine. Et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu que les roses sont belles à Göttingen. Nous avons nos matins blêmes et l'âme grise de Verlaine. Eux, c'est la mélancolie même à Göttingen. Quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes. On a tous reconnu évidemment cette formidable chanson de Barbara Göttingen qui évoque justement des Allemands qui connaîtraient mieux déjà dans les années 60 l'histoire de France que les Français eux-mêmes. En tout cas, c'est ce que semblait dire Barbara et cela pourrait peut-être rassurer tous ceux qui craignent que nos chères têtes blondes ne connaissent pas assez leur histoire nationale. Victor Massé-Lépinay. Oui, je voudrais revenir sur ce que vous disiez, Joanna Nowicki. Au début de l'émission, on a parlé de l'Empire romain, de l'héritage de l'Empire romain, du Limes, qui incluait le sud de la Méditerranée, mais qui excluait aussi le nord de l'Europe. Ça, on ne l'avait pas dit, mais aujourd'hui, quand on est scandinave, ce passé de l'Antiquité romaine, je ne sais pas, peut-être vous allez me dire le contraire, mais fait partie de l'héritage, puisque en tant qu'Européen, on a cet héritage européen. Quand vous nous dites qu'il faudrait intégrer des événements muets ou des voix muettes, est-ce que ça voudrait dire que ces voix muettes, peut-être que vous allez nous donner des exemples, doivent rentrer dans notre histoire alors qu'on ne sait pas qu'elles en font encore ou qu'elles en font déjà partie. Absolument. Et je pense qu'on est en train de le faire tout doucement, ceux qui peuvent avoir le regard double. Il s'agit aussi de l'interprétation différente. Prenons 68. On a longtemps dit c'est la même chose à l'ouest et à l'est. Absolument 68, pas la même chose. Exactement la même on chose pourrait que dire que c'est même souvent l'opposé par rapport à la culture. C'est très intéressant de voir qu'à l'est on défendait la culture instaurée, la culture fondamentale, et on voulait pas la mettre à bas puisqu'on avait l'impression que c'est le régime sur place qui voulait la détruire. C'est un exemple. La culture nationale presque pour. Pas seulement nationale, la culture au sens fondamental, justement européenne aussi. Vous êtes littéraire des lettres par exemple, c'est ce que donc, vous voulez. Et en tant que littéraire, je suis aussi très sensible aux mots. Le débat sur la langue de bois, qui est absolument fondamentale dans tous les pays qui ont vécu sous le totalitarisme, est un peu allégé. J'ai fait un article sur la légèreté coupable des Occidentaux sur la langue de bois, et je le crois fondamentalement. Le rapport à la vérité, est-ce que les mots sont que des discours, ou est-ce que le mot renvoie à la vérité ? On a quand même de très beaux textes, en particulier celui d'Armand Robin sur la fausse parole, qui évoque cette question-là. Le poète mort au tout début des années 60 dans un commissariat de police, Thomas Serrier, sur toutes ces questions de dissension, de dissensus et de tension. Peut-être sur cette idée très intéressante, effectivement, d'introduire ou de réintroduire, de faire place aux mémoires inaudibles. Dans notre projet, je pense que c'est un des avantages, effectivement, de mettre en avant cette notion de mémoire pour voir les fluctuations dans le temps. Il suffit de se transporter, comme vous l'avez fait tout à l'heure avec Rostropovitch, juste au lendemain de la chute du mur et 20 ans après, en 2009, pour voir qui était commémoré en 2009 par Angela Merkel. C'était les grands de ce monde. C'est un peu comme si Gorbatchev avait fait tomber le mur et comme si Kohl avait été le père de la réunification. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et où sont passés les dissidents d'Allemagne de l'Est? Mm-hmm. Où est passé le rôle des Polonais depuis 80? Voilà. Donc c'est oui. Quelque chose qui où est évidemment... passé la charte 77? Où sont passés le corps et ceux qui se retrouvaient à la frontière polono-tchèque sur ce fameux sentier de l'amitié, voilà. Qui ont tissé effectivement une contre-société, oui. Pourrait-on dire, pendant les années 70, oui. dans ces pays-là, Étienne François. Oui. je ne peux qu'abonder de nouveau dans ce que vous dites. Tout à l'heure, il y avait la superbe chanson de Barbara sur Göttingen. Moi, j'ai vécu 6 ans à Göttingen. Vivre 6 ans à Göttingen, ça m'a fait découvrir qu'il pouvait y avoir des perceptions différentes est en même temps totalement légitime d'une même réalité. C'est à Göttingen, par exemple, que j'ai découvert que, à côté des lumières à la française dans lesquelles j'avais grandi et été baigné, il y a aussi l'Aufklärung allemande. Et que l'Aufklärung allemande est différente des lumières françaises tout en étant liée à elle. Et puis, il y a l'Enlightenment. Et puis, bon, ça, c'est la première chose. Et puis, la Haskala, et puis tout ça. Donc, dont on a un très bel article, je crois, dans notre volume là-dessus. Et puis, alors, les réinterprétations permanentes. Comment, à partir de quelques textes qui sont considérés comme fondateurs, des communautés culturelles peuvent le lire différemment en fonction de l'évolution du contexte, etc. Pour les Lumières, c'est évident. Quand on, il n'y a pas un stock d'idées propres aux Lumières qui n'auraient pas bougé jusqu'à aujourd'hui. Elles ont été constamment réinterprétées et en même temps constamment contestées. Antonin Arshakovsky. Oui, moi j'aimerais partir de Barbara aussi, parce que il se trouve que Barbara, on ne le sait pas trop, mais elle fait partie d'une communauté juive, oui. D'Ukraine, c'est-à-dire de l'Empire russe. Et cette partie de son identité, il faut aussi l'intégrer à notre définition de l'Europe. Et c'est une des raisons pour lesquelles, bon, moi j'ai vécu plus de 20 ans en Russie et en Ukraine, je vois l'européanité de nos amis russes et ukrainiens qu'on a du mal à intégrer, bah, oui. Parce que il y a une partie de l'identité européenne qui consiste dans la défense des droits de l'homme, l'état de droit, la lutte contre la corruption, que du coup on n'arrive pas à intégrer. Mais il y a toute une partie de leur identité qui est aussi culturelle et qui tient à ses appartenances, y compris religieuses. Et c'est la raison pour laquelle on a demandé à ce qu'on parle de la culture de l'islam aussi comme faisant partie de la culture européenne, de la culture du protestantisme, de la culture du judaïsme, etc. Oui, d'ailleurs, dans votre livre aussi, il y a un article sur la question des mosquées et minarets, une mémoire étouffée dans Europa, notre histoire, et c'est aussi le cas, vous venez de le dire, Antonin Arshakovsky, dans l'histoire de la conscience européenne, un article consacré à cette question de la présence de l'islam sur le sol même européen, et même comme une sorte d'ennemi fantasmé aussi, par les Européens chrétiens en particulier. Thomas Serrier. Oui, je disais tout à l'heure, on a posé comme question centrale, y a-t-il une mémoire européenne, et en laissant la possibilité aux auteurs d'y répondre au pluriel. La deuxième question connexe, c'était les mémoires. Si on dit que les mémoires européennes sont partagées dans les deux sens du mot partagé, commune et divisée, est-ce que vous pouvez aussi réfléchir à la possibilité, à l'éventualité de mémoires partageables, c'est-à-dire reposant sur des récits différents selon les socialisations, mais Qu'est-ce que vous avez qui serait quand même compréhensible. Ben, d'exemple, je sais pas, mais en tout cas, on sent que la question est posée au cœur de certains articles. L'article que nous avons confié à Andriy Portnov, justement, à un collègue ukrainien, sur l'Europe centrale, on voit très bien que si on l'avait confié à un Autrichien ou à un Hongrois ou à un Italien de Trieste, Claudio Magris, par exemple, on aurait eu quelque chose de beaucoup plus patrimonial sur les Habsbourg, sur cette nostalgie, etc. Là, on a une réponse qui centre l'interprétation de l'Europe centrale sur on est toujours à la périphérie et on a un désir d'appartenance. Et puis on a la même question au centre de l'article de Todor Kulic qui sur la Serbie et le mythe du Kosovo, qui s'interroge sur voilà le mythe principal de notre histoire, c'est un mythe et c'est une mémoire héroïque. En quoi est-elle compatible avec les mémoires postmodernes de l'Europe occidentale? Oui, Joanna Lewitsky. Ça fait une excellente transition. Je voulais insister sur l'aspect postmoderne et l'attachement au discours et au récit. Nous partageons tous l'idée qu'il faut partager les récits, mais tout n'est pas récit. Et je pense qu'une des grandes différences de mentalité, c'est le tragique. Intégrer l'expérience tragique et le fait que certains sont allés en prison pour un poème, c'est une dimension très souvent oubliée quand on discute de l'Europe. Or, le tragique est absolument fondamental. Si on veut avoir un dialogue avec l'autre Europe, il faut intégrer l'expérience du tragique et la responsabilité pour le mot et le lien avec la vérité de chacun. Et moi, j'ai un peu le sentiment d'une relativisation très optimiste des discours et il ne faut pas oublier cet aspect-là. Étienne François. Pour le tragique, je prendrai simplement deux exemples qui confirment ce que vous dites. La première chose d'abord, c'est que nous, dans notre livre, nous avons commencé précisément par les mémoires brûlantes, qui toutes se réfèrent à des événements tragiques récents. Mais la deuxième chose aussi, c'est qu'il y a des mémoires tragiques très anciennes qui continuent de jouer. Par exemple, la conquête de Constantinople par les croisés latins en 1204. Ah oui, mais qui continue, terrible croisade, qui a joué un rôle essentiel dans la scission entre l'Europe latine et l'Europe grecque, et qui est une scission qui existe jusqu'à aujourd'hui. Et puis, on peut saluer aussi un article, ça va le faire rougir, parce qu'il est signé Mike Plitt et Thomas Serrier est présent ici, sur les disparus aussi, sur la question des oubliés, d'une certaine façon, qui n'existent que dans la mémoire et dans l'écriture des romanciers en particulier, les disparus du Yiddishland, ressuscités par la littérature. Merci à tous les quatre d'être venus. Tous les deux, vous êtes auteurs, donc Antoine Jarzakowski et Joanna Nowicki, dans le livre L'Histoire de la conscience européenne, que vous avez dirigé chez Salvatore, en l'occurrence Antoine Jarzakowski, et tous les deux, vous êtes donc Thomas Serrier et Étienne François, les co-directeurs de Europa, notre histoire, aux éditions des Arènes, et on pourra citer aussi Rêve d'Europe, que vous avez dirigé chez Honoré Champion, Joanna Nowicki. Merci à tous les quatre. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marseille, à la réalisation Marie-Laure Ciboulet et à la technique Clément Daté. Vous pouvez bien entendu télécharger cette émission et discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire.